Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On critique Call of Duty Modern Warfare 2 dans la chronique CNX. On reçoit aussi le rédacteur en chef du Zone Campus, Philippe Antaya. Et ça se passe à Assemblage requis et ça commence maintenant. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Salut Matt, ça va bien? Salut, super, toi? Ben oui. Quelle belle journée! Très belle journée. Incroyable! Ça fait très... Qu'est-ce que ça fait comme accent, ça? Sacre bleu! Non? C'est un mélange de Marseillais et je sais pas quoi. Bon. Et de gars qui sait pas trop faire les accents. Ouais. Parlant d'accent, j'ai quelque chose de drôle pour toi tantôt. Je t'en parle dans quelques minutes à propos des accents français, les différents accents de la langue française. Les aigus et les graves et Les québécismes aussi. Ah, d'accord. On va aussi recevoir François-Olivier Marchand, qui est un de nos collègues ici assez fou. Il a déjà animé. Vous reconnaîtrez peut-être sa voix. Il va venir nous parler du jeu Call of Duty Modern Warfare 2, hein, qui est sorti récemment sur Xbox, entre autres. Il va nous en parler dans la chronique technologique CNX. Oui, aussi, plus tard dans l'émission, on va recevoir Philippe Antaya, qui va venir nous parler du numéro en cours du Zone Campus. Il est très coloré, très orange et très jaune, je dirais. Le numéro? Oui, ça me fait penser à du McDo, ça me donne faim, ça. Philippe Antaya aussi est coloré quand même. Oui, c'est ça. Et graisseux, non, ça marche pas du tout. Ça te fait penser aussi à du McDo, non? Comme une grande frite, ce gars-là. Bref, ça marche pas du tout. Du tout. Tout ça dans cette émission très chargée. Aujourd'hui, on va aussi avoir une chronique de Fidon à dans la question pour rire un petit peu, comme on le fait tous les jeudis. Donc, restez avec nous pour ça. Mais on va commencer en musique. Oui, on va commencer en musique avec le projet solo de Charla McCutcheon. Le projet s'appelle Char2D2. Et on écoute la pièce, on va écouter la pièce You Are a Small Vampire tout de suite à Assemblage requis. Projet ou groupe, c'est comme un propre. Un propre? Ou un projet. Le propre char 2D2. Back in my room, passing through, doing it to me. When you're around or in town, it seems to me that we've never looked better. We're so good together. Can I be the one that you wake up at 6 a.m. when we talk to the clouds so we fall back asleep again? And it feels like you're gone, but you're not, and I think you're old. Your name on my skin, I can tell that we'll be close. So you're alone, should alone, but you want to be. Back in my room, passing through. At 6 a.m. and we talk to the clouds till we fall back asleep again. And it feels like you're gone, but you're not, and I think you're right. Your name last week down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. Oui, c'était Vampire Weekend qu'on vient d'entendre, un extrait de leur nouvel album, en fait, qui n'est pas encore sorti, qui va être disponible à partir de mardi prochain, l'album Contra, qui est vraiment très, très attendu. On en parle même jusque dans le voir, Mauricie, tellement qu'on l'attend. Quand on en parle dans le voir, c'est que c'est important. Vraiment. Ils sont toujours très gentils. Vampire Weekend, pièce presque, je sais pas si ça se peut, mais trop accrocheuse. C'est assez incroyable. Pas l'avoir dans la tête après. La pièce White Sky, vraiment très, très bonne, cette pièce-là. J'espère qu'on va avoir l'album ici, sinon on va trouver un moyen de l'avoir pour faire jouer ça le plus souvent possible. C'est ce nouvel album-là de Vampire Weekend, vraiment très très très bon. Juste avant Vampire Weekend, on avait entendu un extrait, c'est presque un bloc concept parce qu'on avait entendu un extrait de l'album Small Vampires du projet Char2D2. De Charla McCutcheon, comme je le disais tantôt. Et cet album-là est réalisé et produit par Tegan Rain Quinn. Est-ce que tu sais c'est qui, Mathieu? Oui, c'est Tegan Quinn de Tegan and Sarah Quinn. Et voilà. Mm-hmm. Bon. Tu pensais m'en apprendre une? Non. Je me doutais que tu devais savoir parce que t'aimes beaucoup Tegan and Sarah. Et voilà, considérez-moi comme un fan de Tegan and Sarah. Ben justement, d'abord, on va aller en écouter une pièce tout de suite, si tu veux. Ben j'aimerais ça. On va aller écouter la pièce Don't Rush de Tegan and Sarah à Assemblage Requis. Yeah.

Doc. Ça peut pas durer, OK? Je prévoyais changer de religion, moi, là. Je viens de rencontrer une belle petite musulmane, ben gros pratiquante, mais je l'aime comme un fou. C'est sûr qu'il va falloir que j'aille dans une mosquée avec elle à un moment donné. Qu'est-ce que c'est m'a fait, moi, rendu là à distorsionner des pieds au beau milieu d'une sourate? Je comprends votre désarroi, M. San, mais je peux pas vraiment vous aider. Je vais être obligé de vous envoyer à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Hey, je suis pas un fou, là. C'est avec mon pied qui distorsionne. J'ai pas besoin d'aller à Louis-Hippolyte Lafontaine pour ça. Non, non, c'est pas l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine pour les fous. C'est l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Je suis pas sûr de comprendre, là. Vous savez, on a cinq sens. Le goût, l'odorat, le toucher, la vue. Et on a Louis. Ah. Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est un hôpital qui traite les gens qui souffrent par le son, comme vous, avec votre pied. Vous aussi. Tout comme le pauvre Daniel San avec son pied qui distorsionne, vous souffrez par le son? Alors venez nous voir à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. On peut vous aider. Louis, pas comme le prénom Louis, mais comme Louis le sens. Putain, là, dans la question. C'est donc une capsule de Vidonneur dans la question. Il y en a une comme ça à chaque jeudi. Plus souvent, ben ça arrive qu'on est un petit peu squeezé à la fin. On est obligé de la couper ou des fois, ça nous arrive même de l'oublier. Donc, on s'est dit comme ça, on la passe en début d'émission. On est sûr de pas l'oublier. Et il y en a une à chaque jeudi. Et même la semaine prochaine, probablement qu'on vous fera un petit spécial, peut-être un combiné, deux journées. Je pense qu'il va peut-être en avoir deux jours. Ça va être un genre de chronique spéciale Vidonneur dans la question. Pour la semaine prochaine, sinon généralement, c'est à tous les jeudis. Maintenant, il reste quelques minutes avant de recevoir Philippe Antaya qui va venir nous parler du nouveau, du numéro en cours, plutôt du Zone Campus. Mais pour tout de suite, on va aller écouter une pièce du nouvel album de Woodhands. Leur nouvel album s'appelle Remorse Capade. Remorse Capade, un nouvel album de Woodhands, et puis c'est même pas encore en magasin, ça va sortir comme à la fin janvier, je pense le 30 janvier ou 28, 26 dans ce coin-là. Donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est une exclusivité, c'est fou? C'est vraiment une exclusivité exclusive de C'est fou. Incroyable. Donc on écoute un premier extrait comme ça, une première pièce de cet album de Woodhands, ça s'appelle Pockets, et on écoute ça tout de suite à Assemblage Rick. On s'écoute une main et on garde l'autre pour demain. Comme on dit. Woodhands, t'sais. Des mains. Une main. Tu connais ça? En bois? Tu t'en sers? Une main en bois? Ouais, ben t'as une main en bois pour faire ça? Non. Pockets, c'est un extrait du nouvel album du groupe Woodhands. L'album s'appelle Rumorscapade et ça va être disponible le 26 janvier prochain en magasin, mais vous pouvez déjà le commander tout de suite sur le paperbagrecords.com, sur la boutique de l'étiquette de disque. Et aussi, il va y avoir une édition vinyle de l'album, seulement 300 copies, donc une édition limitée, format vinyle pour cet album de Woodhands, qui va être disponible le 26 janvier prochain. Dans quelques minutes, on va recevoir Philippe Antaya pour parler du journal Zone Campus. Tout de suite, on va aller écouter une pièce de Oromocto Diamond. Ça s'appelle Maps à assemblage requis. We still knew we're saying the same thing. Maps, frames and scandals. From books that are burning. Maps and pages printed out. Maps and pages printed out. Et bon retour, c'est toujours Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Tu sais, Kiwan, à chaque deux semaines, sort un journal qui s'appelle le Zone Campus. Oui, puis ça a donné qu'il est sorti récemment, je pense. Ben oui, ça donne que par hasard total, c'est fortuit. Ça se dit pas, ça? Fortrel, je pense. Ben oui, Fortrel, ben c'est sûr. On reçoit Philippe Antaya, rédacteur en chef du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Oui, vous, ça vous concerne. Toi, ça te concerne, Philippe. Oui. Particulièrement. Surtout. Mon journal, mon quotidien. Pas mon quotidien, mon journal préféré. C'est bi-hebdomadaire qu'on dit ou... ouais, parce que... Aux deux semaines. Je te fais confiance. Hey, bonne année, messieurs. Hey, merci. Tout ce que vous voulez. On est rendu quoi, le 7? Comment ça... Ouais. On va pouvoir arrêter bientôt de dire bonne année. Ben, c'est la dernière fois. Fini. C'est fait. J'ai décidé que ça en était ainsi. Non, ça l'était pas dit, donc bonne année. Non, c'est ça, live on the air. Ouais. OK, donc, qu'est-ce qui se passe dans le journal Zone Campus cette semaine après ce superbe moment inconfortable? Hey, ben... ce qui fait la couverture, c'est une nouvelle qui peut dater un petit peu, mais qui n'est pas moins non importante. Et elle n'a pas fait moins que 3 couvertures presque de film. Oui, je crois que ça va être ce qui va avoir fait le plus de couvertures durant toute l'année. C'est comme Playboy des fois. C'est des fois les playmates peuvent se répéter sur les couvertures. J'allais dire de quoi je vais me retenir. Mais oui, c'est ça, c'est que le comité du non qui a finalement remporté le référendum de désaffiliation de l'AGE UQTR à la FEUC. Hein? Oui, par une majorité écrasante. Alors, les conseils d'administration, autant de l'AGE UQTR que de la FEUC, ont reconnu le référendum. La FEUC n'était pas très, très contente. J'imagine. Mais bon, avec les résultats 60-quelques pour cent en faveur du non, alors la FEUC n'a pas eu le choix de reconnaître le référendum. Alors, l'AGE UQTR est maintenant indépendante. Yeah, on sent l'enthousiasme. Ouais. Mais là, il reste encore les détails à régler, j'imagine. Là, c'est pas fait pouf comme ça. Oui. Ouais, c'est déjà. Ok, c'est réglé. Ouais. Là, c'est fait. Okay. Ben, ça aurait pu. Ils ont fait leur sac. Ça aurait pu traîner, mais justement, à cause des résultats, les deux conseils d'administration ont entériné les okay. résultats. Alors, c'est ça. La GE est indépendante, mais là, présentement. Le conseil d'administration de la GEUQTR a donné le mandat au conseil exécutif d'aller voir un peu ce qui se faisait ailleurs. Okay. Donc, va-t-elle rester indépendante? Pourrait s'affilier à un autre groupe. Oui, y en a-tu d'autres groupes comme ça? Oui, ben d'ailleurs, le sujet de mon éditorial... Arrête-moi ça! Oui, tant qu'à faire des liens, est-ce que tu veux que j'en parle maintenant? Non, non, oui, parle-en. Plus tard! OK, plus tard. Non, maintenant, tard. Vas-y, parle-en. Maintenant, plus tard? Bien, yeah, parle-en. OK, ben c'est que là, il reste une association qui est l'AC. La quoi? L'AC. L'Association pour une solidarité syndicale Aye. Étudiante. Ça va être facile de faire un slogan quand ils vont vouloir quitter celle-là. Hein? Ça va être vraiment facile de faire. C'est ça. Assez. C'est assez. Va être comme mais c'est une association aussi qui ça va plus ou moins bien. Puis c'est une association assez radicale. Le gouvernement ne veut pas négocier avec elle. Parce qu'elle pose des gestes qui sont plus radicaux. Donc il n'y a pas de discussion comme la FOC peut l'avoir avec le gouvernement. Mais il y a aussi une nouvelle... C'est pas une association, c'est une table de concertation des étudiants du Québec. La plupart des associations étudiantes qui ont désaffilié la FOG, je dirais même toutes les associations étudiantes, François Landry pourrait confirmer, mais on rejoint cette table-là. Il n'y a pas de cotisation à payer, mais les associations se regroupent là, puis ils font des discussions, puis ils sont en voie d'avoir une voix auprès du gouvernement. Alors, c'est quand même assez intéressant pour ça. Là, il y a des pourparlers. L'AGE essaie de garder des liens avec les associations comme la FOG ou la C, etc. Mais en tout cas, elle va essayer de conserver ses liens puis d'en tisser de nouveau avec d'autres mouvements étudiants. Alors peut-être que la TASEC, ça va être une voie pour la GEUQTR. C'est à voir. Oui, absolument. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent en penser par en croire par les couvertures, il n'y a pas seulement la FEUQ comme contenu dans le journal. Donc non. On continue avec d'autres sujets. Oui, ben on parle le GREDEF. Le GREDEF, j'aime beaucoup les acronymes qui sonnent comme le GREDEF. Qui est le groupe de recherche en développement de l'enfant et de la famille, qui désormais ne s'appellera plus comme ça. Ils vont s'appeler le CHMU. Non, là j'ai de la... Allons-y pour le CEDEF, qui est le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et de la famille, qui est ici même à l'UQTR. Alors, ce groupe-là s'est transformé, il va avoir des recherches autant théoriques que pratiques. Sur la famille, ici à l'UQTR. Est-ce que tu savais qu'il y avait ça à l'UQTR? Non. Ben maintenant, tu le sais. Alors, c'est ça. C'est pas un gros changement, mais il y a quand même une modification qui est apportée. Alors, on trouvait que c'était bien de le mentionner. Tout à fait. Donc, ça, c'est un article signé par la nouvelle journaliste en actualité. Oui, deux nouveaux journalistes aux actualités. Que de renouveau? Mm-hmm. Celui-là qui est signé par Karine Boisvert-Boissonneau. Puis, il y en a un autre, du nouveau journaliste Julien Saint-Laurent. Qui nous parle de l'UQTR, qui est une université verte. Oui. Comment ça se fait qu'elle est verte? Ben, en septembre dernier, l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec l'Université Laval et puis l'Université de Sherbrooke, a été décernée certifiée campus durable, avec le niveau 1 du campus durable. Et puis, en raison des actions qu'elle a posées, entre autres, on parle de récupération des piles, les boisés, nettoyage des boisés. Puis là, il y a des pourparlers pour qu'il y ait un toit vert ici à l'UQTR. Ah, c'est une bonne idée, ça. Oui. Mm-hmm. On avait pensé au Pierre Boucher, mais là, semble-t-il que la structure n'est pas assez solide pour un toit vert. Mais là, avec le nouveau pavillon interdisciplinaire en santé... Le SPDIF. Ouais. Le Gloubidou. Aussi. Alors, c'est ça, il devrait y avoir un toit vert là-bas, sur le toit. Avec une piscine, palmiers. Mais là, ça, c'est dans les... Je crois que c'est niveau 3 ou 4 du campus durable. Ouais. On va devenir 5 étoiles à un moment donné. Il va y avoir des petits déjeuners inclus. Ça, d'ailleurs, hein, les costauds. Les costauds, hein? Oui, parlant du pavillon interdisciplinaire en santé... Je pensais dire parlant de costauds, mon éditorial parle de... Ben non, j'en ai parlé costaud. De mon éditorial. Je sais, mais t'aurais pu en reparler. Qu'est-ce qu'il y a dans mon éditorial? Ben oui, l'affaire sur la TASEC, là. Bravo, tu suis. Hein? Ben c'est ça, il y a un article aussi sur le pavillon interdisciplinaire en santé. Est-ce qu'il s'y retrouve dans ce fameux pavillon-là qui regroupe trois départements? Ergothérapie, pratique sage-femme, et puis... Et sciences infirmières. Puis là, on parle même d'instaurer un nouveau programme qui serait celui d'orthophonie. Ah. Alors, il y a encore de l'espace disponible, des locaux à la fine pointe de la technologie. Alors, on parle d'implanter un nouveau programme ici. Puis, justement, le pavillon de la santé qui est au cœur de l'université. Il y a plusieurs départements qui regroupent plusieurs personnes là-bas. Université d'avant-garde, comme on et dit. Voilà. Voilà. Ensuite. Ensuite, ben, il y a eu des nominations juste un peu avant les fêtes ici à l'UQTR, des postes de cadres qui ont été ouverts et puis qui ont été comblés par des nouvelles personnes. Il y en a qui ont changé de poste. Il y a des nouvelles personnes aussi qui sont là, je pense, au vice-recteur aux finances. Monsieur René Garneau qui est parti, qui était remplacé par Claude Arbour. Lucie Boissonneau qui est maintenant au service des cycles supérieurs, à la direction du service des cycles supérieurs. En tout cas, il y en a plusieurs autres. Il y a 5 nouvelles personnes, je pense, qui ont des nouveaux postes. Enfin, dans la section actualité, le projet H2CAN, qui est le réseau de recherche stratégique sur l'hydrogène. Ah! Qui est à l'Institut de recherche sur l'hydrogène. Les lettres ont pas vraiment rapport avec l'acronyme, finalement, dans celle-là. H2, je crois que c'est le symbole de l'hydrogène, et puis c'est un réseau pan-canadien. Ah! Donc, H2CAN. Ça s'appelle le réseau de recherche stratégique sur l'hydrogène. Oui. Oui, ben c'est ça, c'est que ça permet d'ouvrir des portes autant aux étudiants pour se trouver... comme le nom le dit, c'est un réseau, alors ça permet de se faire des contacts autant dans le milieu des études qu'ensuite lorsqu'ils vont entrer sur le marché du travail. Alors c'est un projet intéressant qui est ici à l'UQTR. C'est le projet pan-canadien, mais la maison mère, si je peux m'exprimer ainsi, est ici à Trois-Rivières. Wow. Finalement, dans la section actualité, il nous reste l'opinion. Toujours deux textes, mais maintenant on change de genre là. Oui, ben, il y a toujours Marie-Noël Marino. Oui, et les trois noms sont là, oui. Mm-hmm. Oui. Et puis, nouvelle chronique de Christian Cyr, nouveau chroniqueur, qui lui nous parle de l'éco-scepticisme. Donc, comme le titre l'indique, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, l'éco-scepticisme? Je sais pas, je vais lire l'article, quoi, ça. Ben, je peux vous le dire un peu. Ah. C'est à savoir, est-ce que c'est bien d'acheter des produits biologiques, écologiques? Est-ce que c'est vraiment bon pour l'environnement? Oui, il y a souvent des contrepoids à toutes les actions écologiques qu'on peut poser. Il y a souvent l'envers de la médaille. Puis là, on revient tout mélanger. Donc, j'imagine que ça parle de ça un peu, l'éco-scepticisme. Et voilà. Comme par exemple, acheter un produit biologique qui vient de la Californie. Ouais, le transport cause des gaz à effet de serre, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment... Et puis, tu sais, mettons, se sécher les mains avec les serviettes de papier versus la machine à air. Là, il y en a une qui dépense de l'électricité, l'autre dépense du papier. Qu'est-ce qui est le pire? Ah, là, on capote, puis on se demande quoi faire. Finalement, on se lave plus les mains. Ben, il y a un théorème à établir, je crois. Puis ouais. La formule est indiquée dans l'article. C'est le théorème de Cyr. Et voilà. Puis, dans l'article de Marie-Noëlle Marino, en fait, c'est qu'elle nous parle du syndrome de la page blanche. Puis elle essaie de nous donner quelques trucs pour remédier à cette situation-là. Au fond, c'est qu'elle savait pas sur quoi écrire. Elle a écrit sur ça et puis ça a rempli un article. Ça ressemble beaucoup à ça, mais très bon article comme tous ces articles qu'elle a produits depuis qu'elle travaille pour le journal. Et finalement, pour l'actualité, il nous reste le Vox Pop. On demande que pensez-vous de la nouvelle patinoire sur le terrain du QTR. Oui, on cherchait, je me rappelle, j'avais entendu dans ton célèbre Infocampus qu'il cherchait quelqu'un pour déballer ça. Mm-hmm, je sais pas aujourd'hui si la patinoire est fonctionnelle, mais bon, ça semble interpeller plusieurs personnes. Même les personnes qui ne patinent pas, je pense qu'ils vont aller s'acheter des patins. Bon, juste pour tellement qu'elle est belle, c'est ouais, ça? Ouais, ouais, ouais. Mais tiens, moi, je m'achète une paire de patins, je m'en servirai pas, je vais l'acheter pareil. Bon. Et puis, on termine avec révélation exclusive au journal Zone Campus. Ça m'intrigue, ça. Quand on dit exclusif, là, c'est quelque chose. C'est étonnant. J'étais étonné de recevoir ce texte-là. C'est Marco Simard. Ah, je le reconnais, ce nom-là, moi. Qui était représentant du comité du oui dans le référendum. Ben oui. Puis, il n'est pas totalement en accord avec les procédures que la FEUC a utilisées lors du référendum. Alors, lui, rectifie le tir, finalement. Met l'heure juste. Met les pendules à l'heure. Ah, et ça en fait des clichés dans la même phrase. Ouais. Hein? Ouais. Il a travaillé fort dans les coins. On va essayer les vraies affaires. Bon, donc, lisez l'article, parce qu'on ne dira pas tout, sinon les gens n'iront pas le chercher. Hein? Mm-hmm. Hein? C'est vrai. Mais malgré tout, il fait pas un pied de nez à la FEUC. Il est toujours d'accord avec comment... comment cette fédération-là agit, mais il est pas d'accord avec la procédure que la fédération a employée lors du référendum. Alors, mais ça, plus ça. Controversé, il est complètement outré par... Outrouille. Par tout ça. Non, mais lisez son article. En fait, son texte. C'est un texte d'opinion. Il livre ses états d'âme. On fera les arts et spectacles et sports tantôt. Hein. On va aussi parler sûrement un petit peu du carnaval étudiant parce qu'il y a une belle grosse publicité de ça. On va parler tantôt, mais pour l'instant, on passe en musique. Oui, on va aller écouter une petite pièce du groupe de Mockingbirds. Ça s'appelle Le Lève le son. On écoute ça tout de suite à Assemblage requis. Lève le son! Assemblage requis! Ça ressemble à ça. Hein? Oui, un peu. Lève le son! Rare! Mockingbirds avec la pièce Lève le son. Oui, on continue notre tournée du journal Zone Campus en compagnie de Philippe Antaillard. Oui, notre oiseau moqueur province locale. Local. Oiseau moqueur? Oiseau, ben, tu te moques des gens. Ben, je préfère être le wawazouzou. Le Wawa Zouzoun Campus. Ouais. Donc, il y a la deuxième partie de notre bloc où on parle du journal sur le campus qui est présentement en kiosque. Hein, et il est en kiosque jusqu'au 17 janvier. Ouais. Caroline. Oui, la section art et spectacle, ben, il y a eu un pestacle de la part des étudiants en art. Le spectacle s'intitulait « Au cœur du vide ». Ce sont les finissants en art plastique et art dramatique. Ça a été présenté pas dans le hall d'entrée, mais à l'extérieur du hall d'entrée du QR. En plus, c'était beau. Il tombait de la neige, je pense. C'est la première tempête de neige de l'hiver. Puis ils ont fait ça dehors. Le spectacle a duré 2 jours. Alors, les gens étaient invités à se présenter là. Spectacle réussi. On voit une belle photo en couleur, en bleu. C'était 2 jours non-stop ou... Non, malheureusement, c'était 2 soirs de suite. Okay, okay. Ça aurait été un bon concept, surtout à l'extérieur. Là. Ça aurait été comme un camp de survie en même temps. Il y aurait eu un ours, il aurait pu amener un ours aussi. Je pense que l'ours, ça vaut 50 points pour le carnaval. Ah, ben, parlons-en du carnaval, parce que la pub est juste à côté de cet article-là qui est signé par Mélissa Beaupré. Le carnaval étudiant qui va avoir lieu du 18 au 21 janvier 2010. Hein, vous avez peut-être entendu la pub rouler ici assez fou. Ben oui, les gens peuvent s'inscrire dans le hall d'entrée, justement. Il y a plein de liens qui se font, là. Hey! OK, super, plein de liens. Plusieurs surprises qui vont vous attendre pendant ce carnaval-là. Des défis époustouflants, des rencontres hors du commun, du plaisir foudroyant. C'est rempli de qualificatifs. C'est sous le thème des personnages de notre enfance. Il va y avoir... les gens vont pouvoir se déguiser en Lucky Luke, la petite sirène, Peter Pan, Blanche-Neige, Mickey Mouse. Tout ça, ça va être là au carnaval étudiant du 18 au 21 janvier. C'est fou, va être là d'ailleurs, hein, avec le quiz C'est fou la musique, comme à chaque année. Gros quiz musical. Là, c'est fou. Ça va être génial. Si je participais, là, je pense que je me déguiserais en Joker. Joker? Ouais. Wow! Mais là, c'est pas un petit manque de respect pour Heath Ledger? Non, moi, je suis plus Joker des années 60. Ah, le vintage! Ouais. En quoi vous déguiseriez-vous, les garçons? Ben, moi, personnellement, la petite sirène. Ouais, là, c'est en train. Ouais, ouais. Sinon, Tom et Jerry, on pourrait se chasser. Là. Ah, ouais. Tom et Jerry, c'est bon. Ben oui. Itchy et Scratchy. Ah, j'aime ça. Bully Bill. C'est pas mal tout, hein? Donc, carnaval, pour plus d'informations, c'est uqtr.ca/carnaval. Toujours dans la section à spectacle, là, moi, je remarque des choses, hein? Okay, tu sais comment je remarque des choses, tu sais? T'es remarqueux. Tantôt, on a parlé d'un texte d'opinion par Marie-Noëlle Marino. Mm-hmm. Nom que je retrouve aussi aux arts et spectacles, maintenant. Eh oui, nouvelle journaliste aux arts et spectacles. Wow! Tu vois comment les Marino sont versatiles. Oui, elles sont hors de l'extraordinaire. Hors de l'ordinaire. Alors oui, maintenant, nouvelle journaliste aux arts et spectacles. Il y en a comme combien de Marino? 15, genre, que je connais? C'est une grosse famille. Oui, grosse famille. Grosse famille, mais oui, qui signe un texte sur la baisse de la tarification du Ciné-Campus. Le Ciné-Campus, où est-ce qu'il y a des films qui sont diffusés au Séminaire Saint-Joseph. Je crois que c'est à tous les dimanches. Des films qui ont gagné des prix, de très bons films. On pense à Milk, Le Pouilleux Millionnaire, Polytechnique, Les Noces Rebelles. Alors, les tarifs autrefois étaient de 33$ pour une passe pour les étudiants. Maintenant, 20$. Pas cher. Ouais. Très bons films qui sont diffusés là-bas. Marie-Noëlle aussi, qui signe 2 autres textes. Des textes en lien avec des expositions qui ont eu lieu à la galerie. J'allais dire R3, c'est pas ça, pas en tout. L'Embuscade, une exposition faite par des professeurs de l'UQTR, puis une autre exposition au centre-ville, dont j'ai oublié le nom, mais bon, de belles expositions qui sont là. Marie-Noëlle qui signe 2 textes là-dessus. Mélissa Beaupré en signe, elle aussi, d'autres? Oui, 2 autres textes de la part de Mélissa Beaupré. Un sur un spectacle de Noël, Enquête de Noël. Puis ce qu'il y a de particulier, mais qu'on retrouve pas dans l'article... C'est que lors du dernier spectacle, il y a un des musiciens qui a demandé en mariage sa copine. Oh. Alors, quoi de mieux que la magie des fêtes pour procéder à ce beau geste? Oh. J'en étais presque ému. Ben, presque ému? Mm-hmm. Sans cœur. Ben, si j'avais été là, je l'aurais été, c'est sûr. Ah. Puis, qui termine aussi, Mélissa, avec un texte sur les inscriptions à UQTR en spectacle. Oui, c'est maintenant bientôt, les personnes qui veulent aller se faire voir, comme le titre l'indique. Peuvent s'inscrire à UQTR en spectacle, puis gagner le concours, finalement, le concours provincial d'université en spectacle. Oui, le concours, ça va être au mois de mars, si ma mémoire est bonne. La grande finale en tant que telle, c'est le 3 avril. OK, mais le concours d'UQTR en spectacle. OK, ça c'est la... Ah oui, t'as raison. Oui, il y a la finale ici, locale, à l'UQTR. Ensuite, le gagnant affronte le gagnant des autres universités du Québec. On termine le tour du journal sur le campus avec la section des sports, comme toujours. Oui, j'y arrive. On parle nouveau journaliste encore, Jonathan Cossette. Ben voyons, sont passés où les autres? André Martin qui a terminé ses études ou qui est en stage là présentement. Alors Jonathan Cossette en remplacement d'André Martin. Très bon journaliste qui va maintenant être attitré au soccer et puis à la natation, qui nous parle entre autres de la 18e édition du tournoi de soccer Invitation collégiale et Patriotes. Ça, ça a pour but, pour les entraîneurs des équipes des Patriotes masculines et féminines, de trouver du nouveau talent. Alors, on voit des jeunes joueurs collégiaux qui sont ici. Ça se passe cette fin de semaine au CAPS de l'UQTR. Alors, ça va leur permettre de cibler leur objectif, les postes à combler, puis tout ça. Alors, c'est intéressant. Et puis, Audrey Tremblay, qui est toujours journaliste en sport, elle. Oui, et qui nous parle encore là, des Patriotes hockey, qui sont présentement en France. Puisque auparavant il y avait peut-être un mois une période d'inactivité, alors là, pour éviter d'avoir les jambes rouillées, les joueurs sont partis en France. Oh là là! Oh oui, qui affrontent trois équipes de calibre à peu près similaire. Quel beau pléonasme! Vraiment, hein? Mm-hmm. Alors, de calibre similaire au niveau de jeu qui se trouve ici dans la section ontarienne dans laquelle les Patriotes jouent. Audrey qui nous parle aussi d'un joueur des Patriotes, Francis Charland. Francis Charland sous les projecteurs, comme le titre le dit. Alors, c'est un joueur des Patriotes qui se retrouve premier pointeur de la division ontarienne dans laquelle encore les Patriotes jouent. Puis, en terminant la section des sports, on parle des Patriotes soccer masculin et Patriotes soccer féminin qui vont entamer leur saison le 17 janvier prochain. Alors, les deux entraîneurs sont confiants quant aux effectifs qu'ils ont sous la main. On prévoit une belle saison. Saison de soccer intérieur qui est pas comme la saison extérieure, mais c'est en quelque sorte des matchs préparatoires, si je peux dire, entre guillemets, pour la vraie saison qui se joue à l'extérieur. C'est ce qui fait le tour du journal oui. Zone Campus. Bien rempli, plein de sujets, plein de sections, plein de chroniqueurs, plein de nouveaux dans ce Zone Campus. Et surtout, plein de jaunes. Et c'est vrai qu'il est vraiment très, très, très jaune, mais ça attire le regard, j'aime ça. Très beau. Très beau. Zone Campus qui est là du 4 au 17 janvier, qu'on peut retrouver un peu partout dans l'université et dans différents points de chute dans la ville de Trois-Rivières. Tu parles comme dans la pub. Suivez oui. Le jaune. Jaune. Follow the yellow. C'est bien dit. Follow the yellow. Follow the yellow. Vous pouvez aussi le lire sur Internet, mais faites-le pas parce qu'on veut que les copies papier sortent. Zonecampus.ca, c'est le site Internet, l'adresse qu'on tape sur le computer. En fait, voilà. Vous pouvez vous rendre aux ondescampus.ca si vous avez des commentaires à nous faire. Il y a les adresses courriels de tous les journalistes, de moi-même, du webmestre, Mathieu Plante. Qui devrait mettre les noms des chroniqueurs à jour. C'est ça que tu veux dire? Sur le site. Maintenant que t'en parles, je trouve que c'est une excellente idée. Merci beaucoup. Bon, voulez-vous régler vos comptes? Philippe, là, je veux dire, à un moment donné, arrête de me niaiser avec ça. OK, on peut jouer à roche-papier-ciseaux si tu veux. OK, attention. Roche-papier. Mais pour faire quoi, par exemple? Il n'y a pas de raison que je vous rush pas. Aucune raison. Bon, on ne jouera pas là-bas. Non. On va seulement te dire, Mathieu, d'aller faire ton travail de webmestre quand ce sera le temps. Et on va dire à Philippe de revenir dans deux semaines parce que tu vas repasser dans deux semaines nous présenter le prochain numéro du Zone Campus. Et je vais être là. Non seulement il va repasser, mais il va amener en plus une planche à repasser. Il va repasser du linge juste pour nous autres parce qu'il est capable de faire deux choses en même temps. Ouais, hein? Deux, trois, quatre, si vous voulez. Si vous voulez. Est-ce qu'on joue roche-papier-ciseaux pendant que Kiwan place la pièce puis on parle? OK, oui. Vas-y, OK. Ah, il m'a eu. J'ai gagné. Il a fait roche, j'ai fait ciseaux. Effectivement. Ouais. Non, on fera pas un 4 de 7 parce que ce serait un petit peu... ouais, ce serait lourd un peu, là. Ça serait inaudible. Mm-hmm, effectivement. Inintéressant, je dirais. Mm-hmm. On se bat-tu sur les mots qu'on peut utiliser? Maintenant, moi, je dirais incompréhensible. Patate poêle. Bon, ben moi, je vous suggère d'aller écouter une pièce de Silver Starling, si je vous dérange pas trop. Là, on va aller écouter la pièce Ghost de Silver Starling. Et dans quelques minutes, François-Olivier Marchand vient nous faire sa critique de... Modern Warfare 2! Dans quelques minutes. Tout de suite, Silver Starling et Assemblage requis. It was late. We sat by the fire. In the middle of the forest together in the dark. We were so scared. I played it cool cause I loved you. Heard a sound, and you heard it too. We huddled closer and I said to you, hold my hand. You squeezed it tight and I loved you. I said, oh no, I don't believe in ghosts. Oh no, I won't believe in ghosts. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis. C'est l'émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Oui, et depuis tantôt, depuis le début de l'émission, on le dit, parce que dans ta chronique CNX, tu vas avoir de la visite, et la visite est arrivée, je crois. Tout à fait, on va le recevoir dans quelques secondes à peine. Le temps de dire que c'est presque le moment d'entrer dans la chronique technologique CNX. Critique de jeu. Et aujourd'hui dans la chronique technologique CNX, on reçoit François Olivier Marchand qui est un vétéran de C'est fou. Il a déjà animé ici. On va nous parler d'un jeu vidéo. Salut François. Bonjour. Ça fait longtemps que je me suis retrouvé derrière un micro. Combien de temps, d'années? Je dirais un an et demi. T'as animé les Péteux de Brou et l'Alternative. Ça va avoir de bonne mémoire. Ça fait si longtemps les Péteux de Brou déjà, ouais. Ouais, ça fait un an certain. Certain. Mais on sait que sinon, autre qu'animé à la radio, des émissions extrêmement connues comme ça. Des émissions populaires. Oui, pop. Ça commence par pop, mais c'est pas populaire. Pas pire, bon. Mais t'es aussi le directeur des partenariats ici, c'est fou. Donc t'es le gars des promos, comme les autres radios diraient. On va aller voir le gars des promos. Hein? C'est comme ça qu'ils disent ça. C'est exactement ça, Mathieu. Écoute, je m'occupe de la publicité. Mais comme vous l'avez pu entendre, en fait, sur les ondes, j'ai une publicité qui roule. Oui, c'est toi, c'est le gars qui est doublé avec un genre d'accent. Très bon concept réalisé avec Danny. You want to advertise on CFO? Fais-le live. Oh, non. Déjà assez gêné comme ça. Ouais. Ouais, bon. Ça fait longtemps, là. Donne-moi une chance. Donc, c'est sa voix à lui et François-Olivier Marchand est ici en studio, en direct aujourd'hui, Kiwan, pour parler d'un jeu vidéo que je suis sûr que t'aimes déjà. Ben oui, moi aussi, j'en suis persuadé. Ben oui. Call of Duty Modern Warfare 2. 2. DOS. Est-ce que vous connaissez un peu le concept Call of Duty? Moi, non, absolument pas. Non? Je suis sûr qu'on tire sur du monde. Ouais, exactement. En fait, c'est un jeu de tir subjectif. Le tout est développé par Infinity Ward. Infinity Ward? Ouais, édité par Activision. Très bonne compagnie. En fait, la compagnie qui réalise beaucoup de jeux vidéo. En fait, si vous êtes un peu fanatique en la matière, vous devez connaître la compagnie. C'est le 6e épisode de la série Call of Duty. Ils ont changé beaucoup de noms, là, parce que là, c'était Call of Duty. À un moment donné, c'était Call of Duty 1, 2, 3, 4. À un moment donné, c'était Modern Warfare 1. Plus maintenant, c'est Call of Duty 4, Modern Warfare 36, soulignement, alinéa, tab, ouais, etc. J'avoue que ça, en tout cas, ça laisse à désirer, mais si ça contient Call of Duty, on peut... c'est un gage de confiance. Ouais, ouais, ouais, gage de confiance, effectivement. Le jeu est sorti le 10 novembre dernier. Et puis, en fait, ma copine est là en studio. Et, salut, copine. Oui. Bonsoir. Elle peut vous dire que ça a été un grand jour pour moi. Et un très mauvais jour pour moi. Ouais, ça doit, hein. T'as pas dû faire grand chose d'autre que genre lire des livres ou feuilleter des magazines, toi, parce que ce jour-là. J'avais possession de la télévision. Mm-hmm. 10 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'as fait de la bouffe? J'ai tenté, mais pas évident, hein, parce que c'est un peu troublant comme jeu. Mais je vais le laisser vous en parler. Ça fait du bruit, mettons. Mais c'est les bruits, ça fait je pense du bruit, qu'elle aime mettons. Pas. Et en plus, en tout cas, quand je suis live, je parle avec d'autres mondes. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Mm-hmm. En fait, je vous raconte un peu l'histoire. C'est l'histoire de Vladimir Makarov qui prend les commandes de l'organisation et s'empare des stocks d'armes importés de Russie. Et de là, en fait, la communauté internationale envoie la Task Force 141. C'est nous autres, en fait. C'est le joueur qui est une force en fait multinationale composée de différentes... force spéciale là, avec les pays, donc on peut changer de bonhomme. On a en fait des Américains, on a des Canadiens, il y a des Français, on est même quelquefois un Russe. Parle-nous russe. Ouais, imite l'accent. Ouais, j'essaie d'arrêter. En fait, le jeu a un gameplay très facile et très agréable. On embarque dedans facilement. Facilement. Moi, ce que j'ai joué en fait sur Xbox 360. Et puis il est aussi sur PlayStation 3, entre autres. Ouais, et sur PC, on peut le retrouver aussi. Et puis, les contrôles sont fantastiques. On adhère déjà, là, même si on commence à jouer, on prend les... Mais c'est une série qui est là depuis longtemps, donc ils ont eu le temps d'améliorer, ouais, j'imagine, ouais, la jouabilité. Ouais, exact. Et pour ceux qui connaissent, en fait, ceux avant, ils n'auront pas de difficulté à se débrouiller dans celui-ci. Point négatif. Ah! Point négatif. J'ai réussi à en trouver un, écoute. Non, mais il est assez évident. C'est le mode campagne. Ce qui est supposé être l'essentiel du jeu, on s'entend, c'est très, très cool. On parle... Moi, quand j'ai eu le jeu, en fait, j'ai fait le tour en dedans de 6h30. Oh, wow! Et c'était pas la difficulté la plus faible. Donc, 6h30, si on joue pas en mode multijoueur, louez-le, là. Vous allez faire le tour assez facilement. Pour un jeu que, tu sais, d'un calibre comme celui-là, tu t'attends à beaucoup plus que ça. Ah, effectivement. Effectivement. En fait, j'ai été un peu déçu quand j'ai su, en fait, que j'avais fait le tour. Il y a quelques nouveautés, en fait, dans le mode campagne. Là, on peut conduire un skidoo et puis tirer du pistolet en conduisant du skidoo. Ça m'a un peu déçu, par exemple, parce que, en fait, Call of Duty est loin d'être un jeu de course et puis les commandes, c'est... C'est assez moyen, comme je pourrais dire. Okay. Au niveau du skidoo, sinon, en fait... C'est pas la partie la plus importante du jeu. Non. Mais quand tu tombes là-dedans, t'es un peu déçu, en fait, parce que tu t'attends à... Je m'attendais à plus au niveau du skidoo, mais ça n'a pas été le cas. Là, je vais vous parler, en fait, du mode multijoueur. Okay, qui est basé en même sur le même système que Call of Duty. C'est que plus les ça qui va faire le jeu que la campagne. Faut absolument, pour ceux qui s'intéressent, faut absolument jouer sur Internet. Ah, donc c'est un prérequis, l'abonnement à Xbox Live qui coûte plus d'argent encore que le jeu. C'est un prérequis, ça coûte aux alentours de 60$ en fait. Mais de toute façon, le jeu est 60$. Ouais. La carte Xbox Live, c'est 60$. Ceux qui jouent au PlayStation 3, c'est gratuit. Ouais, au PC aussi, c'est gratuit. Mais de toute façon, les gens prendront sûrement pas Xbox Live juste pour ce jeu-là. D'habitude, tu l'as quand t'es un amateur d'Xbox 360. Ouais. Faut pas l'acheter avec le jeu. Non. Donc, d'habitude, tu l'as. Et puis, en fait, le mode multijoueur, c'est un système de grades. Faut tout le temps monter en grade. Et puis, il y a le mode prestige aussi qu'on retombe. Une fois qu'on a fait toutes les grades, on retombe. Si on veut prestiger, on retombe à la case départ. OK. Et puis, on récolte des emblèmes et puis des grades. C'est un peu ça le but du jeu. En plus, en fait, on a des bonus, on a des atouts. lorsqu'on tue beaucoup d'ennemis sans se faire tuer. Le nombre de joueurs sur cette plateforme, en fait, c'est 9 joueurs de chaque bord. On peut pas être 10. On peut pas être 10. Il aurait pu faire un chiffron avec ça. Ben, en tout cas, c'est bizarre, mais ça doit demander beaucoup, en fait, parce que les graphiques sont assez fantastiques et puis la jouabilité est merveilleuse. La musique, est-ce qu'il y en a? La musique, il y en a un peu, c'est stressant. En fait, je me suis surpris à faire le saut quand quelqu'un me poignardait par l'arrière. Ah, il y a un effet sonore. Ah, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Pour vrai, ça fait froid dans le dos. Et c'est fantastique. C'est fantastique. C'est l'orgasme, finalement, du jeu vidéo. Hein. Écoute, quand j'ai... Non. Non, OK. Pas pour elle, là, mais... Je retiens mes paroles. En fait, je pense que je pourrais me marier facilement avec un jeu comme ça. Désolé. Je fais pas le poids contre le Call of Duty. Non, non. Mais tu fais le poids dans d'autres situations. Bon. C'est pas une déclaration d'amour, hein? On parle de jeu. Il y a un autre mode aussi, Opération Spéciale. C'est un mode de jeu composé de missions, mais hors campagne. Là. C'est vraiment des petites... Des sides, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, solo, mais des fois, il faut être en coopération pour réaliser, parce que sinon, ça se fait pas. Donc, exemple, il y en a un qui tire d'un avion ou d'un hélicoptère, il y en a un autre qui est sur le sol, il faut se rendre à une telle place en tant de temps. Tu montes tes épaules, puis tu... Non, pas ça. Pas ça? Okay. Non, ça se joue en fait en split screen ou en réseau par Internet. En fait, chacun peut... Encore une fois, sur Xbox. Ouais, exactement. Toujours. Exactement. Donc, ce qui est le fun de Xbox Live aussi, c'est qu'on peut parler au micro à ses amis. Mm-hmm. Il y a beaucoup de Québécois. J'ai été surpris, en fait, de la quantité de Québécois qu'il y avait sur les réseaux. Et puis, c'est des bons joueurs. Là. Est-ce que tu peux choisir de jouer contre un Québécois? Il faut que tu peux chercher par région? Ben, c'est des équipes. Hein. Idéalement, là... Il s'appelle Bob Gingras, mettons, là, c'est un Québécois. Mais ben, idéalement, écoute, pour ceux qui connaissent un peu l'Xbox Live... Souvent, tu as des amis en banque. Là, tu peux comme mettre tes amis quand ils se connectent. Tu vois à quoi ils jouent. Tu peux les inviter à des jeux, quoi que ce soit. Donc, c'est plus de cette manière-là que tu peux jouer. Sinon, c'est sûr que tu peux tomber, en fait, là, avec un Québécois dans ton équipe. Mais on se cachera pas qu'il y a beaucoup d'Américains. J'ai pogné de Français, des Espagnols. Pas pogné de Chinois, par exemple. Mais... OK. Super. En fait, les critiques, j'ai regardé un peu sur Internet, ouais. Et puis Call of Duty Modern Warfare 2 reçoit une majorité de bonnes notes, et ça de la part des testeurs professionnels. Comme je vous disais, en fait, la plupart reprochent une campagne beaucoup trop courte, mais ça corre à dire que ça reste excellent comme jeu et que le mode multijoueur est une qualité rare. Parce que les réseaux ne plantent pas beaucoup. Je me suis fait dire, par exemple, qu'au PlayStation 3, ça plantait plus souvent qu'à leur tour. Donc, sur Xbox, c'est sûr que j'ai eu affaire à recommencer quelques parties. Mais bon, rien de dramatique. Là. C'est quand tu joues autant que tu as joué, c'est normal. Combien t'as mis d'heures sur le jeu déjà? Là, c'est ça. En fait, parce que ça s'accumule. On peut voir combien on passe d'heures au jeu. Là. À date, j'ai passé 28 heures à jouer de ma vie. Ça compte seulement le live. Ça compte seulement le live, effectivement. La campagne, ça compte pas. Et puis, Donc, 28 plus 6 heures. Les opérations spéciales ont dit que... Ouais, ouais. Ça fait pas mal. Ça fait beaucoup. Ça fait donc, pas mal. Perspective féminine là-dessus de tout ça? C'est de la marde. Ah non. Non, c'est pas vrai. Vas-y, continue. Ben, en fait, moi, c'était juste pour vous dire que le jeu a battu des records de vente exceptionnels. On parle de 7 millions de ventes le jour même de sa sortie. Ouais. Soit environ 4,7 millions d'unités seulement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ça a battu Grand Theft Auto 4. Le quatrième, ça l'a battu. Et puis, on note aussi que durant les 5 premières journées, en fait, on comptait plus de 8 millions de joueurs en ligne. Wow. Donc, le réseau est fait fort, en tout cas. Hein? Ouais. Donc, François-Olivier Marchand, donc, présent. Oui, effectivement. Mais donc, les réseaux, c'est... en tout cas, je parle pour Xbox, là, bien entendu. Là. C'est Microsoft, donc on a une bonne qualité. Ça lag pas beaucoup. C'est vraiment formidable. Pour vrai, c'est un de mes jeux préférés à vie. Ah. À vie. Avant, j'étais un fan de Grand Theft Auto, ce truc-là, mm-hmm. Mais là, je suis vraiment vendu Call of Duty. C'est incroyable. Si vous n'avez pas Internet, louez-le. Si vous avez Internet et vous voulez... vous avez du temps, pas à perdre, mais vous avez du temps à vous divertir. À faire perdre à votre copine, mettons. Ouais, je m'excuse, Amélie. Oh, merci. C'est touchant. C'est vraiment beau. Hein? Mais c'est beau de voir l'émotion avec laquelle il parle, le jeu. Là. Oui, il mentionne pour au moins ça, une fois ça par vaut jour. La peine. Ben, oui. Puis ce qui est le fun, en fait, là, c'est que mes amis se retrouvent là-dessus. Donc, nous autres, on se regroupe, on se parle avec notre casse. Il n'y a rien de mieux qu'avoir aucun contact humain pendant une bonne partie de sa journée. Hein? Surtout avec la grippe H1N1, ben oui, c'est mieux de ne pas avoir contact. C'est recommandé. Direct. Moi, c'est pour ça que je ne me suis pas fait vacciner. Je me suis joué acheté Call of Duty. Ça fait moins mal. Ça fonctionne aussi. On n'a plus besoin de pilule contraceptive maintenant. Non. On a Call of Duty. Ça fait ça. Vraiment plusieurs utilités. C'est polyvalent, je dirais, comme jeu. Il fait chaud, là. Soudainement. Bon, j'ai compris. Hey, moi, en terminant, j'ai envie de vous demander vos opinions de joueurs et de connaisseurs de nouvelles technologies. Tu parlais du mode campagne qui est de plus en plus poche et court. Pensez-vous que c'est une tendance, étant donné justement que les gens jouent de plus en plus en ligne? Pensez-vous que les développeurs vont arrêter un jour de faire des modes campagne? Ils botchent un peu là-dessus, sachant que les gens vont passer plus de temps sur l'autre. Ah, bonne question. Mais moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là. En autant qu'ils se consacrent sur le live, mais qu'ils fassent bien. Si le live est bien fait. Si le live est bien fait. Écoute, on se dirige vers ça parce que moi, personnellement, tuer un ordinateur, j'aime beaucoup mieux tuer Mathieu Plante. Ben oui, la satisfaction est beaucoup plus. Non, mais tu sais, tu réagis différemment. Ouais. Tu sais, en tout cas, je parle pour Call of Duty, là, choisis tes armes, tu sais, c'est vraiment. Ben, il pourrait faire des jeux qui sont seulement live, mais il faudrait aussi qu'ils essaient de regagner le public, des gens qui aiment faire des modes campagne. La technologie est là pour faire des cutscenes, des scènes films, si on veut, qui sont tellement belles et qui nous font embarquer dans l'histoire qu'il y a des gens qui apprécient ça. Puis 6h30, ben, c'est pas très très long pour quelque chose que tu payes aussi cher que non, ça. Non, c'est ça. Le plaisir est là, mais peut-être qu'ils pourraient faire plus pour ça. Mais je crois vraiment qu'on se dirige, par exemple, plus vers le live. Non, mais choisissez un des deux. Au pire, si vous faites un jeu, faites-le juste live, puis l'autre jeu, il y aura quelque chose. Mais tu peux pas juste le faire live. Pourquoi tu pourrais pas juste le faire live? Parce que ce qui est le fun, en fait, là, je parle tout le temps Call of Duty. Ouais. On s'entend. C'est parce que t'as une histoire aussi dans la campagne. Puis dans le live, tu retrouves les tableaux, si on veut. Tu retrouves les scènes. La structure. La structure, effectivement. C'est vrai qu'il pourrait y avoir les éléments qu'il y a dans une campagne, l'histoire et tout ça, intégrés dans la portion live, puis faire juste un jeu live, que si t'as pas Internet, ça fonctionne pas. Ah, peut-être. Ah. Écoute, on pourrait s'assiner longtemps, mais moi, je considère qu'on se dirige vers le live et moi, je considère que c'est une bonne vision chose. Extérieure, le fun a l'air vraiment plus là quand tu joues au live que quand tu joues c'est fou, à l'autre. Mais est-ce que le niveau de difficulté est le même? C'est parce que le live a pas de fin. C'est ça. Le live a pas de fin c'est dans le sens... C'est comme un Tetris, ça arrête jamais. Non, mais ça arrête jamais parce que tu peux tout le temps prestiger. Mm-hmm. Puis l'idée, je pense que sur le live, c'est d'essayer d'être le meilleur, mais à la limite, c'est infaisable, là, on s'entend, parce que sur 8 millions, là, je suis classé, je pense, 3 millions quelques. Ça peut devenir obsessionnel. Oui, effectivement. Oui. Et c'est dangereux, je pense. Sincèrement, c'est dangereux, parce que, en tout cas, j'ai beaucoup d'amis qui ont tout perdu. Ben, exemple, je vais prendre l'exemple de genre de JP. On va l'appeler JP. Faisons comme si c'était son nom, mettons, JP. Lui, il a une ferme, OK? Puis, lui, sur Facebook, pas beaucoup trop d'informations. En tout cas, ceux qui me connaissent savent de qui on va l'appeler JP le fermier. JP le fermier. Ça le pète. Non, mais lui, en fait, il s'est acheté Call of Duty, puis il joue sur le live. Puis, lui, maintenant, il dîne plus. Pour vrai. Il dîne plus. Wow. Il se prend une pompe et une bartende, puis il consacre son heure de dîner. C'est un peu plus qu'une heure, là, mais à jouer sur le live. Donc, je pense que ça peut être un peu dangereux pour vrai. Puis moi aussi, je me suis... Ouais, le taux d'agressivité de la maison a nettement augmenté depuis que François-Olivier joue à ce jeu. Oh, oui, c'est stressant. Non seulement de sa part, mais de la mienne aussi. Ouais, ça va dans les deux sens. C'est un jeu fait pour sacrer, je pense. En tout cas, c'est... En tout cas, on en reparle à la maison. C'est ça. La tête sur l'oreiller. Non, faut pas régler les problèmes sur la Toi, tête. Toi, tu auras la tête sous l'oreiller bientôt. Okay. Bon, donc c'est Call of Duty Modern Warfare 2. Plus jamais, Mathieu, j'ai compris. Non, mais tu reviendras. Donc, si on en parle un peu, c'est édité par Activision, développé par Infinity Ward. C'est dans le genre first-person shooter. C'est 18 ans et plus côté mature, M. Sorti en novembre 2009. Et encore une fois, les critiques sont très très bonnes. 94%, c'est acclamé par la critique, comme on appelle dans le domaine. Sinon, 6.0 sur 10 selon les utilisateurs. Les utilisateurs qui ont mis la cote plus basse que celle de la critique en général. Voilà donc pour Call of Duty Modern Warfare 2. Merci beaucoup, François-Olivier. Ça fait plaisir. Merci, tu repasseras. Ben oui. Je vais te forcer encore une fois. Ça fait comme 2 mois que j'ai dit de venir, sérieux. Hey, mais j'attendais. Non, mais j'attendais que tu me dises une vraie date. Je t'ai dit demain, ça faisait pas. Je t'ai dit plus tard aujourd'hui, ça faisait pas. Dans une semaine, ça faisait pas. Parce qu'il jouait à Call of Duty. Mathieu, j'ai pris une résolution pour 2010 d'écouter Mathieu Plante. C'est ça. Tu sais, il me dit, mais j'ai pas eu le temps de me préparer. T'as joué pendant 28 heures. Je pense que tu sais ce non, que je connais le jeu un peu. C'est ça. C'était ma faute. Hey, c'est ce que je voulais vous dire, en fait. Là. Au bout de 28 heures, j'ai même pas prestige encore. Parce que t'es poche. Bon. Je suis pas poche. Je sais que t'es pas poche, t'es le meilleur. Donc t'es pas aveugle finalement de venir faire une critique d'un nouveau jeu, là, parce qu'il te reste encore genre 200 heures à faire sur celui-là. Non, mais là, en fait, là, ma copine s'est adonnée à jouer à d'autres jeux, donc je m'y adonne aussi. Okay. Mais j'ai laissé un peu de côté. J'essaie de trouver des passions communes. Le motocross. Le motocross. C'est quoi ton jeu super Princess Peach? Ah, oh, je joue à Pure. Pure. Un jeu de quad. Ouais, oui, petit jeu de motocross. Je peux vous faire une critique, si vous voulez. Contrôle super simple. Une autre fois, par exemple. La semaine prochaine. C'est un peu long, là, présentement. Bref, on retourne en musique, Kiwan. Oui, c'est une suggestion de François-Olivier. Oui, j'aime beaucoup cette pièce-là. Et qu'est-ce que c'est? C'est Against Me, Trash Unreal. C'est très, très bon. Bon. Donc, on écoute ça tout de suite à Assemblage Rick. Hey, merci, boys. Merci, François. Il y aura une autre chronique CNX la semaine prochaine et tout compilé dans une seule et même émission lundi 10h à CNX.zip. Promis. If she wants to dance and drink all night, well, there's no one that can stop her. We'll be right back. C'est fou, c'est fou comme un balai. Comme un balai. 89. C'est fou de la scène émergente. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Oui, vous êtes toujours à l'émission Assemblage Rocky en compagnie de Mathieu Plante et de Kiwan. Et je veux vous parler un peu d'un article de blog sur le site de bandapart.fm. C'est en fait, vous connaissez peut-être les capsules groupe hexagonal, ou plutôt, je me rappelle pas exactement c'est quoi la formule. Portrait hexagonal. Portrait hexagonal, c'est ça, d'un groupe québécois. C'est des capsules qui sont faites ici au Québec par des gens de bandapart, mais qui sont faites pour être diffusées sur RFI, sur Radio France Inter. Ah. Donc, qui sont disponibles un peu partout à travers le monde, sur Internet et même sur différents câbles ou distributeurs. C'est disponible RFI. En tout cas, je sais que moi, chez nous, je peux l'écouter sur ma télé. Cogeco, entre autres. Exactement. Donc, c'est un portrait, c'est comme une vitrine pour le Québec dans l'Europe ou dans le reste de la francophonie. C'est vraiment dans toute la francophonie. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est vraiment toute la francophonie qui écoute ça. Donc, c'est des gens qui sont peut-être pas nécessairement habitués avec l'accent francophone québécois. Faut s'adapter un petit peu. Là. Exactement. Et puis, cette semaine, le portrait hexagonal d'un groupe québécois, c'est les Frères Goyette. S'il y a un groupe qui est plus québécois typique et vraiment quasiment campagnard. Très campagnard, en fait, je dirais. Tu sais, ça, je voudrais pas les offenser. Je pense pas que ce soit le cas parce que je pense que c'est vraiment très voulu. Ils ont vraiment un accent très, très particulier. Donc, je vous suggère vraiment d'aller faire un tour sur bandapart.fm, allez écouter cette petite capsule-là. Ça dure environ 5-6 minutes. Je dirais peut-être un petit peu plus, une douzaine de minutes. C'est vraiment très drôle parce que là, t'as les gars qui présentent le groupe et puis qui présentent ça à toute la francophonie. Donc, des gens qui connaissent pas trop l'accent québécois, c'est tellement drôle. Là. Ils disent tellement d'expressions impossibles à comprendre. Genre, puis à un moment donné, il passe une pièce. La pièce où il dit même en soupe de skidoo, Fred passe pareil. T'sais, c'est impossible à comprendre pour quelqu'un qui vient pas du Québec. Non. C'est vraiment très drôle. En tout cas, allez écouter ça, c'est très drôle. Et nous, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est aller écouter une pièce extrait de leur album Minimiser les dégâts des Frères Goyette. Excellent album. On va écouter la pièce La Vermillon. Ah. Tout de suite à Assemblage Rocky. Ça met le feu à l'ouvrage. Non, je suis pas nerveux car le gouvernement va payer du stock neuf. En attendant, je m'enligne vers mon bonheur. Miner le trailer. Le 7-up se dachait. Je monte au lac. Fièvre propriétaire d'une chaloupe en fibre de verre. Une 20 pieds bien comptés. Mon bruit de moteur est intimidant. Le son de guerre fait peur aux enfants. Rien à craindre d'un chat qui ronronne. La litière sent bonne. Ouais, mais plus. À chaque compte, en mille il y aura pas une maudite police. Assez vite pour me mettre la main au collet, me donner une ticket au chalet. Débarque le truck, je débarque mon stock, je prends pas les portes. Heureux comme un pape, j'ai la cam, ouais, tout seul. Je pêche dans l'eau bénite, comparaison avec l'Ancien Testament. Il y aura pêche miraculeuse de poissons blancs. Les charognards mordront à l'hameçon. Je sens la beurre qui fond. Mais puisque le temps a ce camp, quand mythique, il y aura pas. Maudite police, assez vite L'amour traînait au coin de la rue et moi je t'ai reconnu. Tu m'as souri, j'étais fichu. Et puis cette chanson m'est venue. Et enfin la neige a fondu et la peur en moi a disparu. Le beau temps a repris le dessus sans l'ombre d'un malentendu. Le jour se lève sur nos amours. C'est le bonheur facile alentour et sans trompette ni détour. J'espère qu'on va s'aimer toujours. Ta ta da da ta da da da ta ta da da ta da da da ta ta da da ta da da. L'amour traînait au coin de la rue et moi je t'ai reconnu. Tu m'as souri et j'ai fondu. Depuis notre chanson continue. Et quand la neige est revenue, à la même bouteille on a bu. On s'est collé devant une vue. Et les grands froids sont disparus. Les saisons passent sur nos amours. C'est le bonheur facile alentour. Et sans casse-tête ni tambour. J'espère qu'on va s'aimer toujours. Ta ta da da ta ta da da ta ta da da ta ta da da ta ta da da ta. Et j'espère qu'on va s'aimer toujours. Ta ta da da ta ta da da ta ta da da ta ta da da ta ta da da ta. Et j'espère qu'on va s'aimer toujours. Vallière et l'amour au coin de la rue. Oui, vous avez peut-être reconnu aussi la voix de Marie-Pierre Arthur qui chante avec lui sur cette pièce-là. Ben oui. Tu l'avais reconnu? Non. Non, bon. J'avais pas remarqué qu'il y avait une fille, en fait. Ah non, pas vrai? J'étais intensément vrai. Très attentif, effectivement. Ouais. Est-ce que tu connais les Bessner Lakes? Ben, quand ce monde-là est plaît, finalement. Éplé, ouais. C'est ça. Je me suis dit, il me semble que j'ai entendu ce nom-là quelque part. Ça te disait quelque chose. Ouais. C'est un groupe de Montréal qui ont un album seulement à leur actif. Mais leur prochain, ça en vient bientôt. Le 9 mars prochain, leur prochain album va sortir. Et puis, il va s'appeler, cet album-là va s'appeler The Bessner Lakes Are the Roaring Night. Ah. Il y a déjà un extrait de cet album-là qui est disponible. La pièce s'appelle Albatros. Et je te propose plutôt d'aller l'écouter tout de suite. Qu'est-ce que t'en dis? Jean-Térine. Parfait. Donc, on écoute Jean-Térine. Ben oui, seconde. Ben, je prorogue. Une petite terrine, c'est très bon. Ça. Ouais. C'est doux. Terrine de veau? Une petite terrine de foie. De foie? Très bon. OK. Donc, on écoute Albatros de Bessner Lakes. Tout de suite, à Assemblage requis. Je connais juste Bessner d'Adamus. Ça, c'est Bernard. Ah. Tu l'aimes beaucoup, d'ailleurs. Oh, oui. We'll be right back. things got rid for a bit. Bazar et Reptile Rapture, ou Reptile Rapture. Assemblage requis, ça vient de son plus récent album. Oui, cet album qui s'appelle Futuristic Psychedelic Archives. Futuristic Psychedelic Archives. Ouais, est-ce que j'ai pas dit comme il faut? Désolé. Ouais. Je pense que je disais pas aussi grave que ça dans un pub, mais bon. Hein? Bon. Kiwan. Oui. C'est presque la fin de l'émission et presque de la semaine pour nous. Ben oui, c'est presque ça. Ben presque ça. Et tu sais que quand t'arrives à la fin de la semaine ou à la fin d'un sac de pain, mettons, tu vas te souvenir avec ça? Je sais pas si tu me vois venir, toi. À la fin, il y a une tranche de pain bêche qui va être forcée de parler au micro parce que je t'ai parlé. Tranche de pain bêche, wow. Pas le choix, là. Non, mais sérieusement. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, Mathieu? C'est, ben, je veux que tu me parles. Ben, allô, Mathieu. Salut, parle à Kiwan aussi. Tu devrais pas le laisser. Bonjour, tu devrais pas le laisser maltraiter ton nom d'émission comme ça, là. Une tranche de pain bêche. C'est vraiment mauvais. Mais ton nom d'émission, c'est une pain bêche en mission, là. Fait qu'à un moment donné, pain bêche, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Parce que je sais pas ce que ça veut dire. Ben non, c'est comme une fillette pas très gentille. C'est pas toi, ça? Ben, ça a l'air. T'es pas très gentille. Ben, ça dépend des fois. Ben, c'est la première, ta première émission de l'année 2010 du Retour des Fêtes. Et, oui, et pour ceux qui connaissaient l'émission, qui la suivaient l'automne dernier, avant vous étiez deux, maintenant t'es seul. Voilà, c'est plus les pains bêches en mission, c'est une pain bêche en mission. Voilà. C'est ça, c'est un singulier. Avant c'était un pluriel, mais ça reste un féminin. C'est la nouveauté. Oui, tout à fait. C'est vrai. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'émission ce soir à une pain bêche en mission? On parle du nouveau EP de Malajube, entre autres, un Greatest Hits de The Who. On écoute Navet Confit, Arctic Monkeys, plein d'autres bonnes choses. Plein d'autres animaux. Ouais. Cool. Donc, c'est une pain bêche en mission, ça commence à 17h, juste après Assemblage Rock. Oui, et pour nous, ben, c'est terminé, Mathieu. Oui, c'est la fin d'une autre belle semaine. Comme on disait, la deuxième semaine de la cinquième rotation de la Lune après la... En tout cas, là. Pas facile quand c'est pas écrit, hein? C'est ça, vraiment. Vraiment pas facile. On se retrouve lundi avec une toute nouvelle émission. Entre autres, Maxime Lemulin-Ramé va être avec nous, hein, parce qu'il est le lundi maintenant. Et non plat le jeudi. Dans sa nouvelle case horaire, Maxime va être avec nous lundi prochain pour nous faire ses suggestions de musique à découvrir, disons. Absolument. Parce qu'on télécharge de moins en moins. Ouais, ça, ben oui, de moins en moins, parce que c'est de plus en plus cher quand on se fait pogner. C'est ça. On va aussi avoir Martin Bertrand qui va nous faire une de ses petites mythologies dans l'émission de lundi. Donc, soyez-y, c'est à partir de 15h. Sinon, ben évidemment, les quotidiennes seront de retour lundi, la pilule du lendemain à 7h, le dîner de con à 11h et nous à 15h. Sinon, ce soir, sur les ondes de C'est fou, c'est beaucoup de sinon, hein, tu me diras. Non, mais vas-y, continue. Restez à l'écoute après les pains bêches. Il va aussi y avoir d'autres émissions. La Spirale qui va être à 18h. Album classique ne jouera pas ce soir. Vous savez que Simon Fitzbier a changé de case horaire. Ce sera plus le lundi, mais bien le jeudi. Mais pas ce soir. La semaine prochaine. Exact. Et Brian Amel va être avec Sky Punk à partir de 21h aussi. Sinon, quoi d'autre? Bon, je pense que ça va faire. C'est assez? Ça va faire. Parfait. Allez voir assemblagerequis.com pour la balade de diffusion et les liens mentionnés dans l'émission d'aujourd'hui. Bon, parfait. Ben, bonne soirée, bonne fin de semaine, bye. On a-tu dit sauf la politesse, sauf les belles petites affaires à la fin, il faut se dire « Kiwan, prends soin de toi, lave-toi au moins une fois en fin de semaine. » Oui, je te donne une petite tape dans le dos présentement. Merci, moi je te pogne la cuisse. Bon, parfait, on va écouter en se quittant une pièce de Mimi van der Glo qui s'appelle « Demain je travaille ». Donc désolé Mathieu, mais demain je travaille, bye bye. Je comptais là-dessus, moi.